Thank you. Merci Langalanga Staff. Merci Langalanga Staff. Donanga, Nalingina Yeba. Okati Suki, bandeko na biso mingi awa bakanisi ntango mosusu okufeli ndeko to tata to mama me ngai nayebi ke likama moko ekweli na famile na yo te okoki koyebisa biso otina nini okati suku mpona komi nkombo ya mboka nkombo nini me kasi soki moto azwi bokoko basalaka ndenge balobaka na français intronisation ya chef me esalamaki mokoloni me eske na 83 okobanda kokata tous les jours merci mingi me avant toleka na nzembo ya suka nzembo ya suka te tozali nano avant toleka na requiem nakotuna na citoyen pdg na biso à 16 ans et en afrique on peut parler d'un âge adulte nous est-il permis citoyen directeur général de parler aujourd'hui enfin nous est-il permis de... Thank you. Thank you. Na 66 ozangi na mbula boni tokozongela yango merci mingi juu na jana na 66 ozangi na mbula boni na 66 soki memoire eza bien na 66 nazalaki na a peu près na 13 ans oui 13 ans, Joker, Koki Maté. Yo, j'ai un bon bonibosi. En 66, dans ton mandat à la télévision, yo, j'ai un bon bon. À 15 ans. À 15 ans. Bongo yo. Je vais vous dire que je suis un bon. Je vais vous dire que je suis un bon. Je vais vous dire que je suis un bon. Je vais Ah, le gars, il a 2 ans. Bon, yo. La 66, il a dit tout juste, il a 10 ans. Il a dit juste, il a 10 ans. Mais il a 10 ans, quand on a dit télévision, Bango Bazaki, Moussous, il a 10 ans, Moussous, il a 13 ans, 15 ans, Kaka et Volokonda, il a 2 ans. Eh bien, ceux qui ont dit Bango, les lots, ils ont dit que Bango était un peu plus de temps à Boko Makas.